2.14 Observation Uses of the verb aller. Aller. Je vais à la fac. Je vais à la bibli. Je vais au restaurant universitaire. Question de déplacement. Aller. Je vais bien. Je vais mal. Ça va. Question de santé.